Ah, mes amis, j'ai oublié de vous raconter. J'ai passé un week-end de syphilétique. Honnêtement. Ça démange. Oh là là, ça a commencé samedi avec la journée internationale des enfants qui travaillent. Oh là là là, j'ai été invité à la grande fiesta du soir pour un banquet. Politiquement correct. Je suis arrivé avec ma tenue spéciale journée des enfants qui travaillent, tout habillé comme il fallait, des chaussures Nike et des vêtements de chez Gap. Les deux principaux employeurs de gamins du tiers-monde. Et puis, un type a pris la parole et j'ai plus rien compris à ce qui se passait. Chers amis, merci d'être venus si nombreux pour dénoncer cette infâme pratique qu'est le travail des enfants. De par le monde, de grandes multinationales n'hésitent pas à faire des petits une nouvelle race d'esclaves, mal payés, dans des conditions de sécurité précaires, avec des horaires de travail honteux. Les enfants des pays en voie de développement voient leur jeunesse barrée, étouffée, noyée et anéantie. Et ce pourquoi ? Pour la cupidité de quelques grands patrons occidentaux qui, sans remords, transforment les manèges de l'innocence en chaîne de montage du profit. Réagissons sans attendre et allons manifester devant les sièges de ces bourreaux sans foi ni loi. Christophe, je croyais à peine. Le gars était en train de dire que faire travailler les enfants, c'était pas bien. Vous pensez que j'allais pas laisser passer ça? J'ai pris ma gorgée de schnapps, la spéciale discours polémique, la 32 litres, et j'ai pris la parole. Camarades, je sais que, tout comme moi, vous venez sûrement d'être choqué par les propos pleins de haine anticapitaliste et serais-je tenté de dire pédophobe du bolchevique à qui je viens de prendre le micro et de crever un œil. Comment peut-on condamner les grandes entreprises qui emploient les enfants? Nous sommes tous là à dire « Ouais, les enfants ne savent pas quoi faire de leur temps libre, ils sont avachis à regarder la télé ou bien à jouer à des jeux vidéo toute la journée en mangeant des hamburgers, la jeunesse n'a plus d'idéal, etc. etc. » Et puis quand on leur trouve des activités tonifiantes, 12 heures par jour encouragées à coups de fouet, vivifiantes, l'hiver sans chauffage et en short, avec un programme nutritif équilibré, 3 verres d'eau plus un bol de soupe, de plus intéressante, une possible carrière dans l'industrie lucrative du prêt-à-porter, eh bien on trouve encore des grincheux pour râler. Eh bien je dis, assez, y en a marre, laissons travailler les enfants, bordel. Au moins pendant ce temps-là, ils prennent pas de drogue, ils piquent pas dans le porte-monnaie de leurs parents. Et puis, tous ceux qui seraient tentés de dire que le travail des gamins, c'est pas bien, je dis, stop, halte, tenez, j'ai sur moi des produits issus du travail de nos amis les morveux. Regardez la définition et la finition de cette basket. Impeccable, quasiment du cousu humain. Et vous croyez peut-être qu'un adulte pourra en faire autant avec ses grosses pattes? Non, bien sûr, c'est du travail des dentelières, ça, mes amis. Celle des tout petits doigts assure une qualité de couture aussi précise. C'est pour ça que je vous demanderai, camarades, de continuer à consommer utile, c'est-à-dire les produits des marques qui font travailler les enfants, afin que nous ayons toujours à disposition du matériel de qualité, tout en offrant aux générations à venir, celle des pays en voie de développement, un vrai programme d'aide à l'éducation utile. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, croyez-le ou pas, Christophe, on m'a foutu dehors. C'est à dire, rien comprendre. Bon, je vous laisse, je dois retourner aux États-Unis. Oh là là, vendredi soir, c'était moi qui devais m'occuper de Nancy Reagan et j'ai oublié. Elle doit toujours être accrochée au cercueil du cow-boy. Allez, au revoir.